Bonjour. Bonjour. Eh bien, on entre tout de suite dans le sujet. Moteur. Depuis quelque temps maintenant, un vent mauvais se lève sur l'Europe, sur la scène politique de ces pays, autant à l'est qu'à l'ouest. On assiste au retour de mouvements qualifiés tantôt d'extrême droite, tantôt de nationalistes et tantôt de populistes. Voilà des termes qui, dans les médias, sont le plus souvent utilisés l'un pour l'autre. Et de fait, les thématiques que ces formations mettent en évidence peuvent être qualifiées de ces trois termes. Si le premier, extrême droite, et le second, nationalisme, ne posent pas trop de problèmes, il n'en va pas de même pour le troisième, populisme. C'est la raison pour laquelle nous allons essayer de le décrypter. En étant conscient que la réalité qu'il recouvre est proche, mais souvent très proche, de ces deux compères, il faudrait presque dire de ces deux comparses, extrême droite ou nationalisme. En février 1848, Marx et Engels écrivaient, à Bruxelles d'ailleurs, au début de leur célèbre manifeste, un spectre entre l'Europe, c'est le spectre du communisme. Et si aujourd'hui, depuis la chute du mur de Berlin, l'effondrement des régimes communistes et le triomphe d'un ultra-libéralisme sans état d'âme, c'était plutôt le populisme qui, comme une onde de choc, était en train de gagner tour à tour les États du continent. Un populisme se nourrissant sans vergogne des peurs collectives quant à un avenir incertain et faisant son fonds de commerce d'un cocktail explosif où se côtoient démagogie, antiparlementarisme et anti-élitisme d'une part et d'autre part hantise, véritable hantise entretenue de l'immigration, de l'islam, de l'insécurité, ce que j'appelle le troisième. Les ingrédients à coup sûr périlleux pour la démocratie, surtout quand s'y adjoint un nationalisme pur jus qui est le facteur de pire dérive. Donc mon approche sera de nature historique, car c'est dans la mise en perspective d'une question contemporaine que l'on peut prendre, je crois, conscience de ce qui est nouveau et de ce qui représente une certaine permanence dans la longue durée. Mais en guise d'introduction, je pense qu'il est indispensable de voir ce que ce vocable populisme recouvre réellement. Au début, quand le mot apparaît, on est dans les années 20, fin des années 20, et il désigne plutôt une école littéraire qui veut mettre en l'honneur les couches les plus populaires, les couches ouvrières, les conditions de vie des gens de peu. Et ce genre littéraire va avoir, notamment avec Jean Toussaint, Léon Le Monnier, une certaine publicité. Et puis finalement, le terme disparaît. Mais à partir des années 80, il refait surface, populisme donc, mais il paraît prendre un malin plaisir à s'esquiver dès qu'on essaye de le définir ou de le rendre prisonnier, c'est une métaphore, hein, dans un moule d'une définition très... Donc, c'est difficile de vraiment le définir. C'est un objet équivoque, par excellence, tiré à U et à DIA au gré des positionnements, surtout électoraux. Et c'est une façon aussi de disqualifier un adversaire en se donnant un label démocratique à bon marché. Autrement dit, ce que vous dites est populiste, il n'y a plus de débat possible. Chez Molière, couvrez ce sein que je ne saurais voir. Donc, on utilise le terme pour exclure. Mais on ne l'a pas encore vraiment défini. Eh bien, ce populisme jusqu'à nouvel ordre, on va bien sûr participer, on va le décortiquer, hein, est quand même révélateur de l'état d'une société. Il est devenu banal de dire que nos régimes démocratiques ne se portent pas bien et qu'une crise de confiance lancinante serait même en train, je ne sais pas si je dis, de le tarauder. Eh bien, d'où la nécessité de mettre en évidence les symptômes du mal-être que cela met en évidence et qui peut devenir liberticide. Une autre raison, plus anecdotique, il y a déjà quelques années, m'a amené à m'occuper du mot populisme, que je commençais à lire énormément, donc dans la presse, à entendre, à la radio, à la TV, etc. Et je me souviens d'avoir, devant les étudiants, demandé, terminé par un seul mot, si vous voulez bien, l'article, attention, on s'accrochait, l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789. Article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789. Je commence. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la... Et je dis aux étudiants, vous pouvez réfléchir, ne soyez pas, comme dit Bourdieu, les fast thinkers, hein, ceux qui pensent plus vite que leur ombre. Hein. Voilà. Ou plus rapidement, comme Trump sort de cette lutte. Je commence. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la... Et un étudiant, avec une touchante spontanéité, dit popularité. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la popularité. Je ne l'ai pas engueulé, on pourrait être engueulé. Analysons. Qu'est-ce que ça signifie? Je vous signale que les révolutionnaires avaient écrit « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. » Le pouvoir vient de la nation, au contraire, bien sûr, de l'ancien régime, de droit divin, le pouvoir venant donc d'en haut, du ciel, de Dieu ou de la couche atmosphérique. Ainsi donc, donnant a priori raison un poète que j'adore par-dessus, René Char, les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux. Ah, je répète ça. Oui, ça fait fruit pour deux années. Les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux. Qu'est-ce que ça signifie? Mais le jeune homme, finalement, laissait entendre par sa réponse que la visibilité d'un leader connu, admiré du plus grand nombre, devait automatiquement légitimer son pouvoir. Donc, cette tentation d'abandonner à la consigne son autonomie politique au profit de quelqu'un, d'un sauveur providentiel, par exemple, est, je crois, vraiment au cœur de ce qu'il est convenu d'appeler le populisme. Quand un malaise s'installe et dure, que la peur d'un avenir incertain bride les volontés, que les frustrations de toutes sortes ont tendance à s'accumuler, que les aspirations des gens ou des masses ne rencontrent plus nécessairement d'écho en haut lieu, eh bien la recherche d'un père se fait insistante. Il ne faut pas sous-estimer ce que j'appelle les soutes de l'inconscient. C'est le soute de l'inconscient que surgissent parfois le vocabulaire. Quand vous étiez petit, une petite, et quand ça ne va pas, on appelle sa maman. Oui, parfois la mule, le papa, il n'entend pas quand le bébé pleure. Donc, on a comme un besoin d'avoir quelqu'un, mais venez me débarrasser de cette angoisse qui me taraude. Voilà. C'est la part un peu plus lacanienne, psychanalytique de mon propos. Ceci dit, indépendamment de la polysémie du terme, de ses usages polémiques et populistes. On peut déceler, dans cette notion, un peu fourre-tout, hein, on peut déceler plusieurs éléments reconnaissables entre tous. Et ils lui sont propres. En premier lieu, et avant tout, il y a l'exaltation du peuple et l'appel direct à ce peuple. Ça, c'est essentiel. Vous l'avez vu là. On entend ça continuellement, Trump, Marine Le Pen, etc. Donc, l'exaltation du peuple et l'appel direct à ce peuple. Ça, c'est vraiment le premier élément. Et le deuxième, on peut se poser la question, mais quel peuple ? Eh bien, c'est un peuple monolithique, mythique, sans différence de classe, d'intérêt, d'opinion, se confondant, en fait, avec la majorité qui est souvent qualifiée de silencieuse. Troisième caractère, ce peuple, un leader, estime l'incarner jusqu'à nouvel ordre. La démocratie n'est pas l'incarnation du peuple, mais sa représentation. Donc, troisième caractère, un leader estime incarner ce peuple, magnifié donc, parce que lui, dit-il, ou laisse-t-il entendre, lui, il le comprend. Il le comprend, ce peuple, d'instinct, automatiquement. Quatrième trait, l'anti-élitisme. Les élites, surtout intellectuelles, politiques, syndicales, etc., eh bien, sont d'office suspectées de manipuler le bon peuple qui, lui, est sans tache, innocent et qui a toutes les qualités, bien sûr. Et cette élite se nourrirait de l'innocence du bon peuple. C'est encore conditionnel. Hein? Cinquième trait, et c'est un élément fondamental aussi, il y a la rhétorique populiste. Le discours emprunte de démagogie, de propos à l'emporte-pièce. L'actualité médiatique nous en donne à foison. Les dernières élections, bien sûr, aux États-Unis. Des propos à l'emporte-pièce qui font la part belle aux émotions. Or, trop d'émotions occultent toujours la raison. Hein? Voilà. Et très souvent, c'est un meneur charismatique, qui manique flamboyant, télégénique, dans des bancs, on aura d'autres icônes, emblèmes de cette tendance, des leaders. Et souvent, dans un parti hyper-personnalisé. Ça va ? Charismatique, hyper-personnalisé. Et enfin, sixième élément, et le dernier, c'est que les médiations, donc le Parlement, les parlements en Belgique, eh bien, sont diabolisés, voire rejetés, conjugés, superflus, inutiles, voire nuisible. Dès lors, par ce gain de temps que le populisme propose dans la gestion publique, en niant nécessairement, le verbe nier, hein, la complexité du réel, ce populisme constitue une menace pour la représentation démocratique, sinon une avenue toute tracée pour un type de régime autoritaire, voire dictatorial. Voilà les grands traits, et nous allons bien sûr partir bientôt dans l'histoire. Mais on peut se poser déjà une question préalable. Sommes-nous en présence d'une résurgence de l'extrême droite ? La question fait débat. Jusqu'à nouvel ordre, les formations populistes d'aujourd'hui, dans la plupart des pays européens, participent aux élections. Mais Hitler, faut-il le rappeler, a participé aux élections l'automne 32. Et ces partis paraissent offrir des garanties démocratiques suffisantes. Elles sont certes, ça c'est essentiel, anti-système, anti-establishment, mais n'ayant pas de programme révolutionnaire à proprement parler, elles le sont moins que ce que furent le fascisme et le nazisme. Et pourtant, il y a des ressemblances. J'en ai isolé quelques-unes ici. Il y a d'abord la xénophobie ou le racisme, et particulièrement aujourd'hui, le rejet des populations musulmanes. Il y a l'antiparlementarisme, j'y ai fait allusion, ou anti-système. Il y a une lutte contre les idées d'égalité et de pluralité culturelle. Il y a aussi deux éléments que je trouve importants, la virulence verbale, la violence verbale, et, faut-il le dire, le nationalisme. C'est une des raisons pour lesquelles l'omniprésence du nationalisme, du repli identitaire, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi l'appellation national-populisme pour désigner ce type de formation politique maintenant bien implantée en Scandinavie, en France, en Belgique, en Autriche, en Italie, en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Hongrie, pour me limiter à des formations qui ont obtenu jusqu'ici une visibilité médiatique. On reviendra avec Jérôme sur l'état des lieux actuel après. Et parfois, un poids électoral considérable, rien que le monde que j'ai acheté ce matin en garde les guillemets, présidentiel, Marine Le Pen, plus forte que jamais. Voilà, retour aux sources du populisme. Eh bien, historiquement parlant, ce terme n'a pas toujours été connoté à droite ou à l'extrême droite. Dans la seconde moitié du 19e siècle, en Russie, et au tournant du 20e aux États-Unis, il l'était plutôt à gauche. Comme quoi, les mots ne sont pas à l'abri de détournements sémantiques ou d'évolutions, donc de sens. À sa naissance, le mot populisme en Russie, vers 1870, eh bien, le mot populisme s'appliquait à un mouvement dont les membres veulent éduquer au plus vite la paysannerie russe pour l'amener par la révolution contre le tsarisme, pour l'amener à l'émancipation sociale. Qui sont ces narodniki? En russe, ça veut dire populiste. Qui sont ces narodniki? Mais ce sont des idéalistes, sans doute, qui vont au peuple, sans nécessairement le connaître, puisqu'ils n'en sont généralement pas issus. Ce sont souvent des étudiants, étudiants en sciences po, ou d'anciens étudiants d'origine noble, des activistes qui voient dans les masses rurales exploitées par le tsarisme, qui voient le ferment d'une possibilité révolutionnaire pour arriver à plus de justice et d'égalité. Mais le problème, c'est que les paysans ne sont pas nécessairement prêts à se révolter. C'est un peu comme aujourd'hui, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura demain. Donc, et surtout contre la figure du tsar. Et il y a comme une impatience qui s'installe chez ces narodniki, ces populistes, et certains vont passer à l'action directe. Et l'action directe, c'est le terrorisme. Et ils vont s'en prendre notamment au tsar Alexandre, je crois que c'est deux, peu importe le numéro, qui vont assassiner après 6-7 tentatives. En fait, finalement, ils assassineront. On le voit, ces intellectuels populistes, l'élan moral tient plus de place que l'analyse théorique. Petit à petit, ils vont perdre de leur influence face à des sociodémocrates, on les appelait comme ça, qui vont devenir les bolcheviks, vous suivez toujours plus ou moins là, oui, ou les bolcheviks, hein, oui, qui vont devenir, hein, et qui, eux, vont se nourrir d'une théorie, la théorie marxiste. Ça ne sert à rien de faire des attentats, on ne fait qu'accélérer la répression des forces de police et de l'armée, donc du Tsar. Il faut se nourrir d'une théorie, et cette théorie pourra devenir un levier pour changer donc, la société. Vous avez compris que là, on est dans l'influence marxiste, et donc les bolcheviques étaient particulièrement disloqués. Je mets souvent dans mes propos des petites phrases que j'ai glanées, comme ça. Par exemple, vous aviez un certain Alexandre Herzen, H-E-R-Z-E-N, H-E-R-Z-E-N, qui est un Russe qui avait participé à la révolution de 1848 à Paris, et qui, à un moment donné, écrit à Mazzini, M-A-Z-I-N-I, donc en Italie, pour l'Angleterre, vraiment, dans cette main-là. Je ne crois en Russie à aucune autre révolution qu'à une guerre de paysans. Ça, c'est assez typique. Hein. Voilà. Je ne crois en Russie à aucune autre révolution qu'à une guerre de paysans. Un autre de ces Narodniki, je cite, l'histoire est trop lente. Il faut la bousculer. Il y a comme une impatience. Hein. L'histoire est trop lente. Il faut la bousculer. Dernière petite déclaration pour éclairer mon propos. Je crois en la terreur plus que dans tous les parlements du monde. C'est pas enregistré ici, non? Je crois en la terreur plus que dans tous les parlements du monde. Donc vous voyez, donc cette forme d'impatience, mais qui ne va pas durer. Donc ça c'est pour la Russie, toujours dans les grands pays. Et alors aux États-Unis. Eh bien aux États-Unis, c'était créé aussi, je prononce comme je peux, Jérôme, un éphémère People's Party. Ça va? Mon anglais est un peu. Un éphémère People's Party. Il se forme dans le Missouri en février 1892. Missouri, donc février 1892. C'est un mouvement qui regroupe avant tout, à côté d'autres membres de couches populaires, des petits fermiers indépendants de l'Ouest et du Sud que menace le libre-échange, les petits fermiers que menace le libre-échange, donc, et un capitalisme urbain en pleine expansion. Raison pour laquelle, on les appelle souvent les grangers, hein, granges, ces farmes, ces fermiers, mais s'opposent au Parti républicain autant qu'au Parti démocrate. Et ils veulent appliquer la devise de Thomas Jefferson, fondateur bien sûr des États-Unis, J-E-2-F-E-R-S-O-N, Thomas Jefferson, des droits égaux pour tous et des privilèges pour personne. Car au contraire de ceux qui vivent et viennent sans mouiller leur chemise, surtout sur la côte Est, ces modestes exploitants agricoles subsistent plutôt mal par leur seul travail. Mais ce mouvement ne va pas durer. Ils vont obtenir 8% des votes aux élections présidentielles de 1892. 8% élections présidentielles de 1892. Mais cette courbe ascendante va tout de suite retomber 4 ans plus tard, en 1896. Et voilà, donc ce People's Party va disparaître, mais il a quand même influencé le mouvement syndical, on dit en 1886 aux États-Unis. 1er mai, vous savez que c'était d'abord été fêté après donc, la tuerie de Chicago, hein, un an avant, voilà. Donc ce mouvement syndical va se nourrir de cette idéologie du petit travailleur qui se sent spolié par les appétits d'un capitalisme qui est déjà jugé comme carnassier. Voilà les deux. Comment dirais-je, les deux formations plutôt situées à gauche du populisme. Je reviens maintenant en Europe et en France. Le mot populisme, en fait, n'était pas utilisé à l'époque, je l'ai dit, c'était le mot boulangisme. C'était le vocable le plus souvent utilisé en français avant les années 1920 pour désigner le populisme. Depuis, toujours, là, non seulement la chronologie, mais les connaissances historiques sont nécessaires pour comprendre les évolutions sociétales. Il y a une guerre entre, bien sûr, la Prusse et la France. C'est la chute en 1870 de Napoléon III, du Second Empire. Et la Troisième République s'installe, qui va durer jusqu'en 1940. Je pense que la Troisième République s'installe. Mais tout le monde n'est pas convaincu de la valeur, des valeurs républicaines à l'époque. Il y a les royalistes, toujours, on appelait souvent les ultras, qui espèrent un retour à la monarchie. Il y a des bonapartistes, c'est une tendance, je ne veux pas essayer d'être trop long, mais on verra ça dans le débat, c'est une des tendances de la droite aujourd'hui, bonapartistes. Vous voyez, vous voyez Bonaparte, le lien direct avec le peuple, les bonapartistes qui n'ont pas dit leur dernier mot. Et même à gauche, eh bien, il y a des radicaux qui estiment que cette Troisième République n'avantage que les couches les plus fortunées. Parce qu'il n'y a pas assez de mesures favorables aux ouvriers. Et ne pas oublier la semaine sanglante. Je ne sais pas si vous avez dit encore quelque chose, bien sûr. Hein. C'est ce temps-là que je garde en moi, le blé ouvert, le temps des cerises. Eh bien, elle a mis fin à la Commune de Paris en mai 1871. Et ça reste toujours vivace dans les couches populaires, car le sang ne sèche pas vite dans la mémoire des peuples et des couches populaires qui ont donc souffert. Eh bien, en plus de ça, il y a la perte de l'Alsace-Lorraine. Ça va toujours, oui. Eh bien, il y a là-bas un melting pot qui va faire en sorte que certains vont vouloir exploiter ça dans un but plus personnel. Je précise, c'est dans ce contexte-là qu'apparaît Georges Boulanger. Avant qu'il n'émerge avec quelqu'un sur la scène politique française, donc dans la seconde moitié des années 1880, ce militaire sorti de Saint-Cyr, c'est il était, hein, bien sûr, peut faire valoir des états de service appréciables, notamment en Algérie, vous voyez, je peux dire, Macron, hein, colonialisme, Cochin Chine, etc. Il est porteur de la Légion d'honneur à 34 ans. Il devient général à 47. Il devient ministre de la guerre en 1886. À l'époque, on disait ministre de la guerre. Maintenant, il n'y a plus que des ministres de la Défense. On se demande pourquoi il y a encore des guerres. Mais ça, c'est le politique. Donc, je vous passe ici les détails de l'irruption dans le monde politique de cet individu pour insister sur un fait majeur. Boulanger s'est trouvé au centre d'intérêts divergents et soutenu par une clientèle électorale allant des bourgeois les plus conservateurs aux prolétaires les plus soucieux de réformes sociales. Et sa popularité, essentielle aussi, était encore avivée par des airs de matamor. Ça, c'est essentiel dans le phénomène populiste. Heidegger, vous voyez encore qui c'est ? Heidegger, donc bien sûr, donc en Autriche. Hein? Donc vous savez comment il est mort, oui. Il voulait trop vite en voiture, je vais le faire. Hein? Il aurait mieux fait de lever le pied que le bras. Mais oui, il sortait d'une famille néo-nazie, lui. Hein? On ne choisit pas sa famille, mais il a continué, Heidegger, en 2000. Il était mais vraiment très beau, mademoiselle. Mais c'est important, on va arriver à Degrelle bientôt. Hein? Le côté il est beau, toujours bronzé. Presque sorti d'une série hollywoodienne, etc. C'est un des éléments importants. Et après sa mort, j'essaie de m'arrêter dans la télé. Et après sa mort, on a même fait un calendrier, pas comme le calendrier des pompiers, vous saviez, on a fait un calendrier plutôt. Vous voyez le culte de la personnalité, hein, et la politique dans tout ça. Donc, Matamor. Bref, de larges couches de la population française le considéraient comme un sauveur. On y est, un sauveur providentiel. Attention, hein, c'est une opinion par Maurice Barrès, B-A-2-R-E, accent grave. Voici ce. C'est pareil, Maurice Barrès, c'est comme écrivain. Voilà. Opinion résumée par Maurice Barrès en ces termes. Je cite Maurice Barrès. Tout est. Comprenez ce que c'est que le phénomène populiste. Qu'importe son programme. Qu'importe son programme, c'est en sa personne qu'on a foi. On veut lui remettre le pouvoir, parce qu'en toutes circonstances, il sentira comme la nation. C'est extraordinaire. Tout est dit, hein. Donc, qu'importe son programme, c'est en sa personne qu'on a foi. On veut lui remettre le pouvoir parce qu'en toutes circonstances, il sentira comme la nation. Eh bien, cette opinion a été scandée. Il y avait des refrains à l'époque. Je n'ai reçu qu'un extrait. Hein. Il y avait des refrains. C'était presque du rap avant la lettre. C'est boulanger, boulanger, boulanger. C'est boulanger qu'il nous faut. Oh, oh, oh. Non, mais il y a eu toute une série. Donc, on sentait qu'il y avait un besoin de répondre. Mais ce n'était pas. Ben, c'était sans tenir. Par les sursauts de mandataires de l'époque républicaine, et notamment d'un certain Georges Clémenceau, sans accent sur le prénom. Georges Clémenceau. Ils avaient été ensemble à l'école, à Nantes. Et celui, Boulanger, que certains commençaient à appeler le général Revanche, allez, chercher dans ça, c'est la Lorraine, c'est comme ça qu'on prépare les guerres, hein, 14. Donc, celui qu'on commence à appeler le général Revanche, d'Allemagne bien sûr. Donc, Clémenceau avait senti le danger que représentait un tel individu. Mais c'était sans tenir compte de sa maîtresse. Il se pourrait, c'est de l'histoire. Et je ne suis pour rien non plus dans son nom. Vous savez comment elle s'appelait? Vous êtes attentif? Marguerite de Bonnemain. Ça ne sert pas! Ça ne sert pas. Donc, bonne main, mais avec S. Hein. Mais non, j'ai préparé le coup. Hein. Marguerite, donc de bonne main, qui la dissuade, qui dissuade Boulanger de marcher sur l'Élysée, on a mieux à faire, etc. Et elle lui rappelle, ou elle lui aurait rappelé, et ça n'apparaissait avec Louis-Napoléon, qui est devenu Napoléon III, il n'avait plus le pouvoir le 2 décembre 1851. Et toute une campagne se fait républicaine contre lui. Et il s'enfuit avec sa maîtresse. Donc, où? À Ixelles. À Ixelles. À Bruxelles, je vais préparer. Reviens. À Bruxelles. Et il est accusé de détourner les votes. Etc. Oui, à Ixelles. J'ai des choses à dire aussi. Voilà. Il apprendra même la République, il sera condamné par contumace à la détention perpétuelle. Donc c'est à Ixelles que celui qui avait été regardé comme un homme providentiel par tant de ses contemporains se tire une balle dans la tête. Le 30 septembre 1891, sur la tombe de Marguerite, qui était morte 2 mois avant. Je ne sais pas si, comme dans la chanson de Jacques Brel, il avait mis « J'arrive », mais 2 mois après, il se suicide sur la tombe, donc à Ixelles. Et bien, c'est une des tombes qui est le plus visitée, toujours aujourd'hui, en Belgique. Ah, c'est une preuve d'amour, hein, pas une vierge. La mère, au suicide, pouvait le suicide, ça. Donc, oui, c'est un peu comme de Morrison au Père Lachaise. Et voilà, à chaque fois que je viens à Bruxelles, et notamment quand l'ULP, je vous remercie, m'invite, j'essaie après d'aller quand même voir cette tombe. Et à chaque fois, je crois que quand même, il faut lire à peu près. Et à chaque fois, le cimetière est fermé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La mort ne veut pas de moi. Merci. Une quarantaine d'années plus tard, nous sommes sur la scène politique belge cette fois. Apparaît un jeune et beau parleur de l'action catholique qui deviendra à l'âge mûr l'homme lige hein, du Führer. Allons, Hitler bien sûr, allons jusqu'à prétendre qu'Hitler aurait voulu un fils comme lui. Il s'agit de Léon Degrelle. D-E-G-R-E-2-L. Celui que j'appelle le bouillon bouillonné, c'est né à Bouillon, en 1906 dans les Ardennes, mort à Malaga en Espagne en 1994. Le parcours de cet histrion est connu, enfin je crois qu'il est connu, mais on pourra peut-être plus se rappeler, parce qu'en fait, avant qu'il ne se jette dans les bras d'Hitler et. Bien sûr, et qu'il crée la Légion Wallonie contre le judéo-bolchevisme, eh bien, cet homme doué d'un charisme et d'une faconde hors du commun avait été, dans toute, je me permets de dire, sinistre splendeur, c'est l'oxymore, avait été, dans sa sinistre splendeur, un populiste. selon l'acception réelle donc, du terme. En témoignent quelques-uns de ses propos. Donc, je glane, je vous lis toujours des propos pour illustrer. Voici quelques-uns de ses propos, au hasard de ses diatribes, contre les partis politiques. Le 2 novembre 1935, lors de la réunion plénière de ce qu'on n'appelait pas encore le Parti catholique, mais c'était les catholiques, Fédération des Saints catholiques, il traite un sénateur du nom de Philips, il traite, je cite, d'excréments vivants. Et un autre ministre d'État, peu importe son nom, Berryer, il le traite de crapaud mort et vieux cacochyme violâtre. Écoutez, quand c'est Pierre Desproges qui utilisait ces acrobaties lexicales, on savait que c'était pour rire, mais pas du tout, parce qu'à Courtrai était entré avec de grêle 300 sbires habillés de noir. Hein. Donc, la volonté de grêle, c'était de mettre la main sur le parti catholique, parce qu'en fait, il avait été étudiant non pas à l'ULB, mais à l'Université catholique de Louvain, un an seulement. Hein. Il avait même dit, après tout ça a été étudié, il avait même dit, mettez-moi chez les papous, après si moi je deviens leur roi. Certains l'ont appelé Modeste Ier. Hein. Non, c'était quelque chose de terrible. Mais, je vais vite un peu continuer avec ça. En fait, c'était un Monseigneur Picard, qui avait perçu qu'un type-là, il parle bien, il écrit bien, on va lui donner les éditions Rex. Les éditions, il y avait des journaux, et c'était l'Union des étudiants catholiques qui luttait déjà à l'époque contre le soi-disant matérialisme hein, du monde. Voilà. Mais en fait, ce de Grêle, tout de suite, a fait, j'aime bien l'expression, une OPA sur les éditions Rex, et en fait, Mgr Picard avait, selon l'expression, fait entrer le loup dans la bergerie. Mais c'est toute une époque que même moi je n'ai pas connue, mais je la connais par bien sûr mes recherches. Il y avait quand même le cardinal Van Rooy. Il y avait un cardinal qui était assez favorable. Et à partir du moment où un individu veut mettre la main sur le parti catholique, là, vous savez, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris sa crosse? Non. Vous, les professeurs de l'enseignement catholique, non. Vous, les prêtres, à la sortie des messes, vous ne pouvez plus donner de la propagande rexiste. J'ai résumé très très vite tout ça pour revenir donc au moment du débat. Oui, mais alors, le dimanche 24 mai 36, c'est le jour des élections législatives en Belgique. Et le parti rexiste obtiendra 16% des voix en Wallonie. Donc le 24 mai 36, le parti rexiste de Grêle obtient 16% des voix en Wallonie et 18% à Bruxelles. Il permettra ainsi à 21 représentants de cette nouvelle formation d'entrer dans une chambre comptant alors 202 sièges. Je vais bien répéter si vous voulez bien. Donc 24 mai 36, élection législative, parti rexiste obtient 16% des voix en Wallonie, 18% à Bruxelles. 21 représentants de cette nouvelle formation, donc une chambre qui a compté 202 sièges. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire, encore une fois, un fleuron de cette rhétorique populiste. Ça va, c'est facile. Belge, aujourd'hui vous allez jouer tous vos foyers, vos enfants, l'avenir du pays, tous les partis corrompus se valent. Ils vous ont tous volé, ruiné, trahi, tous dégoulinant de leurs infamies. Voudraient une fois de plus vous bourrer le crâne, ouvrez l'œil. Ne vous laissez plus faire. Si vous voulez voir des scandales nouveaux empester le pays, si vous voulez être écrasé par la dictature des boxsters, la résonance aujourd'hui, la dictature des boxsters, si vous voulez voir renaître ces luttes hystériques des partis qui ont mis le pays à l'agonie, alors suivez comme des moutons les politiciens profiteurs. Vous aurez vous-même signé votre condamnation à mort. La gueule, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il vous a fait peur, il s'est mis en valeur. Voilà. Donc, et la veille de ce rendez-vous électoral, il avait un journal qui s'appelait Le Pays Réel. Hein. Le Pays Réel, il annonçait triomphant dans deux jours, on balaye les pourris. Eh bien, cette image du balai en Belgique a été reprise par le Brandsburg de Belay, et c'est toujours l'idée de nettoyer les écuries royales. Alors, la charge contre la démocratie représentative était bien sûr sans appel. Le monde intellectuel était lui aussi voué aux gémonies. C'est vous ça, le monde intellectuel. Tandis que le peuple se trouvait mythifié, doué d'une intelligence instinctive, auréolé de toutes les qualités. Ça va ? Exemple de ce qu'il disait, ce de Grève, à votre propos. C'est bien pour avoir renoncé à leur réelle mission que les intellectuels ont vu de jour en jour se creuser l'abîme qui les séparait des hommes de chantier, des champs, du petit commerce. L'on a vu la masse des cultivateurs, des ouvriers, des commerçants se réveiller spontanément aux accents des conquêtes rexistes. On a vu les intellectuels patauger, hésiter et finalement rester en place, car ils sont morts à tout enthousiasme et ils n'ont plus les intuitions simples des foules. Il faut avouer que le peuple les avait devancés. Le peuple a compris que le rexisme, c'était d'abord un cri immense d'un homme jeune, au cœur ardent et pur, puis repris en clameur unanime par toute une jeunesse qui, elle aussi, voulait apporter sa contribution au travail splendide de l'histoire. Qu'est-ce qu'il a dit ? Bonjour la flatterie, hein, bien sûr. Et pourtant, la mayonnaise a pris pour ce battleur, ça va si je dis battleur, pour ce battleur au torse bombé, à l'éloquence, excusez-moi, échevelée, et pas seulement dans les classes moyennes, en proie au vertige du déclassement, c'est très actuel ça, hein, maintenant. Ouais. Puisque même Robert Brasillach, B-R-A-S-I-2-L-A-C-H, qui sera fusillé, donc B-R-A-S-I-2-L-A-C-H, qui sera fusillé à la libération pour intelligence avec l'ennemi, voici ce qu'il écrivait. Peut-on résister à Léon de Grève, à sa présence, à sa camaraderie immédiate, au rire d'enfant qui s'empare de lui, à ses colères subites lorsqu'il se passionne au regard direct de ses yeux, où brille si fort des prunelles noires? Pour un démocrate conséquent, la réponse ne fait aucun doute. J'avais préparé quelque chose sur Perron, mais je crois qu'on n'aura pas le temps. Je vais tout de suite arriver dans les années 50. Oui, enfin, voilà, merci. Mais la rhétorique de ce premier degré, je dis le premier parce que par après, il va y avoir des élections, et c'est vrai qu'un cordon sanitaire va se créer entre Paul Van Zeelen, le Parti catholique, le Parti ouvrier belge, les socialistes et les libéraux, pour arrêter la progression de ce type d'individus. Donc c'est bien la preuve qu'on peut les arrêter lorsque l'on reste bien le cœur chevillé aux valeurs démocratiques. Hein. Mais il faut que ça reste le cœur chevillé et le corps chevillé aux valeurs démocratiques. Donc, nous voici maintenant dans les années 50. Nous sommes en France. Pierre Poujade. Au cours de c'était Poujadiste qu'on disait il n'y a pas tellement longtemps. Donc, en France, au cours de la campagne des élections législatives, nous sommes en janvier 56, celui qui sera surnommé le papetier de Saint-Cyré, c'est une localité Saint-Cyré, C-I-R-E, accent aigu. Nous sommes dans le sud-ouest de la France, ça va ? On l'appellera le papetier de Saint-Cyré, on est dans le département du Lot. Va en effet fustiger la classe politique au pouvoir avec un slogan appelé à une certaine postérité. Et quel est son slogan pour les élections ? Sortez les sortants. Point d'exclamation. Eh bien, je vais vous faire une confidence. Je ne sais pas, on reçoit énormément de choses hein, par Internet. Et je reçois un chiffre qui n'est pas vraiment républicain, qui n'est pas vraiment de gauche. Ça s'appelle réinformation. Je ne sais pas comment je crois ça. C'est contre, évidemment, la République et pour l'extrême droite. Mais c'est intéressant d'aller voir. Parce que, par exemple, Marx, il a écrit le Capital, hein, il n'a pas écrit le Prolétaire. Il faut connaître. Eh bien, pas plus tard qu'hier, je vois, face donc, aux élections qui se préparent en France, il faudra reprendre le slogan Sortez les sortants. Vous voyez, la permanence, c'est un slogan qui existait chez Poujade. Je dis tout de suite, je suis allé à Saint-Cyré il y a quelques années, Poujade est mort maintenant, et j'ai demandé, c'était pas du tout danger, c'est les amalgames. Hein. C'était pas du tout un nazi, c'était un petit magasin, quoi, sympa. Mais à un moment donné, et on en a marre, hein, les taxes, hein, vous voyez, les taxes. Et ceux qui viennent contrôler les cahiers des comptes, maintenant, c'est des machines, notamment. Vous voyez, qui viennent contrôler. Alors, il les appelait les inquisiteurs du fisc qui viennent de Paris. Voilà. Non, on n'ouvrira pas nos cahiers de comptes. Allez plutôt chez les grandes surfaces qui commencent, etc. Et dans ce mouvement qu'on appellera pujadiste, il y avait des communistes, hein, puisque c'est la base. Je ne sais pas si ça se comprend à Bruxelles, c'est toujours les petits qu'on se pose, hein, c'est toujours les petits que l'on écrase. Donc c'est parti d'une révolte. Ça va si je comprends. Oui, oui, c'est parti d'une révolte. De Paris, ouais, cette révolte de la boutique, ça va, est considérée avec une certaine condescendance. Mais le mouvement s'étend au sud de la Loire. Et ce mouvement va prendre de l'ampleur. Ça va si je dis ça? Eh bien, comme je l'ai fait pour les précédents, voici un exemple de la rhétorique de Pierrot. C'est Pierrot, hein? Pierre Poujard. Quand on pense qu'il y a à la Chambre des pourris de cet acabit, il faut prendre la grande trique, le grand balai, et nettoyer ça d'un bon coup. Et il y a quelqu'un qui a ajouté, après son intervention, comme je trouve ma feuille, il y a quelqu'un qui a ajouté, je vous le dis, le voici, on entend déjà le bruit des castagnettes que font les fesses de ces messieurs. Vous savez qui a ajouté ça? Jean-Marie Le Pen. Il n'avait que 26-27 ans. Il était déjà député. Maintenant, ça devient une dynastie. Hein? Maréchal Le Pen, voilà, tout ça devient terrible maintenant. Vous voyez comment? Il était déjà député en 56-57. Donc, vous voyez que toujours prendre les choses avec une dimension historique, parce que ça aide à comprendre ce qu'il vaut, ce qui peut représenter un péril pour les valeurs démocratiques. Voilà. Donc, ce que je peux dire, au départ, il bénéficie, ce Poujard, d'une certaine sympathie à gauche. Je vais le rappeler, notamment de la part des communistes. Ça peut être considéré comme une protestation de la France d'en bas, mais petit à petit, ce mouvement va se droitiser. À la suite d'un voyage de Pierre Poujard, ce porte-parole, en Algérie. C'est dans l'Algérie, toujours d'actualité. C'est dans ce territoire français, hein, outre-mer, que se tiendra le premier congrès national du parti que Poujard avait créé, l'Union démocratique, non, de défense, pardon, mais là, l'Union de défense des commerçants et des artisans. Donc il a créé un parti, Union de défense des commerçants et des artisans. Ça va? Non? UDCA. Vous voyez bien qu'on est là-bas, la petite classe moyenne. Hein? Ça va? Et le voilà, en Algérie, de l'importance des dates. Il va être progressivement, si je dis phagocyté, j'ai eu des cours de chimie, hein? Il va être progressivement phagocyté par des partisans d'Algérie française. Nous sommes à la Toussaint, à partir de la Toussaint 54, le FLN, hein, qui commence à lutter pour l'indépendance de l'Algérie. On est au milieu des années 50. Et il va petit à petit être donc embrigadé dans ce mouvement. Il n'était pas vraiment de mouvement de gauche, hein, l'Algérie française. Et ses discours commencent à se ressentir. En plus de l'antiparlementarisme, vous l'avez entendu, l'antiparlementarisme tous pourris, eh bien, on commence à percevoir de l'antisémitisme. Il faut savoir qu'au milieu des années 50, 54 notamment, il y avait un certain Pierre Mendès France qui va, donc avec les accords de Genève, assurer la dépendance, enfin, décolonisation, notamment donc, du Vietnam, les accords de Genève. Et Pierre Mendès France, ça va ça, M-E-N-D-E, accent grave, S, deuxième mot, France. Et voici ce que il dira, Poujard, à propos de Mendès France. Il faut savoir aussi qu'après la guerre, Mendès France avait essayé de lutter contre l'alcoolisme. et contre les bouilleurs de crue. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Il y en a qui faisaient dans les campagnes françaises, ou quoi, qui faisaient eux-mêmes leur alcool. Il va interdire ça. Et voici ce que Poujade dira à ce propos. Malaise France. Si vous aviez une goutte de sang gaulois dans les veines, si vous aviez une goutte de sang gaulois dans les veines, vous n'auriez jamais osé, vous, représentant de notre France, il était Premier ministre, enfin, président du Conseil, vous n'auriez jamais osé, vous, représentant de notre France, producteur mondial de vin et de champagne, vous faire servir un verre de lait dans une représentation, dans une réception internationale. C'est une gifle, M. Mendès, que tout Français a reçue ce jour-là, même s'il n'est pas un ivrogne. C'est terrible, hein? Bon, je n'invente rien, hein? Je crois qu'on tue d'abord par les mots. Ce qu'il avait eu à un moment donné aussi, cette réflexion, vous, Mendès France, vous qui n'êtes français que par la deuxième partie de votre nom. C'était Mendès française, hein, d'une famille juive portugaise qui avait fui, bien sûr, l'Inquisition qui est arrivée du côté de Bordeaux, etc. À mon avis, du côté de Bordeaux, Mendès France était... a été plus rapidement français qu'en Bretagne d'où venait Jean-Marie Le Pen. Vous voyez ? Oui, la Bretagne a été les gardes de Bretagne. Ça va ? Donc, celui, Malestrand, qui reste un déshonneur de la gauche après-guerre en France, fait l'objet d'attaques encore plus perfides. Petit exemple, nous devons donner à la France un gouvernement de gens qui aient des gueules de français. Mais est-ce que vous imaginez le... Hein? Bon, le niveau, d'accord ? Et alors, la dernière, dernier exemple, il s'en prend aux apatrides. C'est révélateur, il suffit d'appliquer ça aujourd'hui, hein. Ouais, merci. Hein. Non, Mendès, sous Mendès, excusez-moi, apprends-tu Mendès, quand on est fils d'une vieille terre comme la France, on n'est pas fait pour l'esclavage, quel qu'il soit. Peut-être cela fait-il le bonheur de certains, à l'ouest ou à l'est, tant mieux pour eux. Et si vous êtes si enthousiaste pour ce genre de vie, faites donc votre valise et fichez le camp. Le peuple de France ne vous a pas demandé de venir. Il ne vous retient pas. C'est une violence terrible. Hein? Mais tout ça avec un côté hein, sympa. Il faut arriver dans des propos de bistrot. Mais une fois les intrus délogés, à qui les vrais Français, à qui confier les responsabilités politiques? Alors la réponse fuse chez lui, en face de bon sens, il vaudrait mieux, pour nous gouverner, un bon commerçant, un bon métallo, un bon charcutier, il ne serait pas polytechnicien, mais sain de corps et d'esprit. Donc si vous faites des études pour ces gens-là, vous n'êtes pas sain ou sain d'esprit. Vous voyez à quel niveau ça se place. Le Parti communiste et les républicains sentiront danger, et notamment l'humanité titra Poujadolphe, vous voyez, le bon valise, et l'hitlérien Poujade, et de toute façon, à partir de 58, De Gaulle arrivera, et il sonnera d'une certaine façon la fin de cette équipée poujadiste. Mais il est revenu en tant que Poujade dans son village natal, je me demande si c'est en 2003. C'est pas si loin que ça, hein, en 2003. Et alors, il n'avait rien perdu de sa verve, même s'il avait pris de l'âge. Chasser le naturel, il revient au galop. Voilà. Donc, il s'en prend aux fonctionnaires. Vous voyez l'actualité de ces choses. Et il les traite une meute de nantis, tous des rats qui s'empiffrent depuis des dizaines d'années. Jamais oublié que quand on comprend la dignité des êtres humains et qu'on les compare à des animaux, on déshumanise les gens. Donc, et pourtant, il a créé, sans vouloir, un néologisme, poujadisme, qui est un peu sorti maintenant, comment dirais-je, des propos. Hein. Il a créé poujadisme, comme gaullisme, pas sûr que hollandisme connaîtra ce sort, ni poujadisme. Je peux continuer, mais je crois que je peux continuer. Je veux pas. Voilà. J'avais encore énormément de choses. Mais vous voyez, je vous remercie de votre attention. Je vais retracer ici les grandes lignes. À vous de les appliquer à l'actualité d'aujourd'hui. Donc, mon camarade de combat, je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, peut-être un petit moment de questions rapides, si vous avez des observations, des questions, des choses que vous auriez envie de préciser. Oui. Moi j'ai une question. Vous dites que le populisme c'est néfaste pour la démocratie. Comment ? Vous dites que le populisme est dangereux en général pour la démocratie, mais d'après votre exemple aux États-Unis, ça a quand même créé pour les paysans, c'est ça ? Ça a quand même créé les syndicats. Donc il y a pas. Oui, ça n'a pas créé. C'est-à-dire que ici, j'ai assisté au début sur national populisme. Lorsque c'est un mot fourre-tout, hein. Je n'ai pas besoin d'assister hein, là-dessus. Voilà. Mais quand ça se combine, quand ça se conjugue, ça va ça, avec du nationalisme, du repli identitaire, eh bien à ce moment-là, ça ne va pas vers le maintien des valeurs démocratiques ou républicaines. J'avais terminé, mais je crois parce que je vous remercie de votre question. Donc, j'avais terminé par ça. Hein. Permettez-moi, in fine, d'émettre un vœu. C'est que le substantif populisme, travesti au cours du temps et sous l'enveloppe lexicale, se love, c'est un verbe, hein, se love, le bel étymon, l'étymologie de peuple, mais qu'il puisse renouer avec sa dimension progressiste initiale et récupérer petit à petit ses lettres, comme on appelle, de noblesse. Mais dans cette reconquête, qui suppose de gagner la bataille des mots, et la bataille des mots, c'est une bataille politique. Il y a bien sûr des conditions à remplir et se démarquer du nationalisme. Voilà. Aujourd'hui, avec ce terme populiste qui est utilisé à tort et à travers, c'est pas gagné. Hein. Il ne faudrait pas. Vous m'arrêtez parce que j'ai tendance à faire que je ne parle pas, je m'endors. Donc, il ne faudrait pas que, en disant toujours le populisme, alors qu'il y a le mot peuple, il ne faudrait pas que l'on reproche au peuple ou au peuple, aux couches populaires, d'être ce qu'elles sont, comme si, dans le cercle de la raison, de ceux qui gouvernent, le peuple ne comprend pas. Donc, populisme, je trouve que c'est trop dangereux de l'utiliser énormément. Ça, dans les médias. Moi, j'aime bien Bourdieu, hein. On ne définit pas suffisamment les choses, peut-être que vous avez. Hein. Bon, il appelle ça l'indiscuté de la discussion. Il faut d'abord se mettre d'accord sur les mots, parce que, voilà, il y a une autre expression anglaise, quand, à un moment donné, je ne sais plus comment ça, j'ai oublié ce mot-là, quant au clos une discussion, on dit, oui, ah ben ça c'est hitlérien. L'effet Godwin. Oui, l'effet Godwin, voilà, j'avais oublié. L'effet Godwin. Ça c'est vraiment bloqué. Ce n'est pas quand vous insultez quelqu'un ou que vous faites ça, que vous apportez une preuve ou un argument supplémentaire. On ne sait plus continuer. Or, la démocratie, c'est d'abord essentiellement le débat. Donc, pour vous répondre, c'est un travestissement du mot. Il ne faudrait pas que ce soit interprété comme étant une mise à l'écart des couches les plus précarisées, les plus pauvres de notre société. À ce moment-là, là, c'est un terrain pour les populistes qui, eux, flattent les peurs, qui, eux, flattent ces gens-là pour se hisser sur le pavois du pouvoir. Enfin, voilà. Oui. Mais l'argent du populisme ne serait pas un signal d'alarme pour marquer la saisir qui existera entre les intellectuels et le peuple. Pendant Trump, c'est aussi une révolte contre bien sûr Obama, hein. C'est une rêve qui a fait des études, etc. Oui, évidemment. Hein. Ce qui est. Enfin, je n'ai pas plus de parler de mon cœur, c'est que. Il flatte. Le peuple, d'abord, un dessin de Kroll, il y a quelques jours, c'est pas vu au deuxième page du soir, où on voit un type étendu qui va avaler une grappe de raisin, c'est Trump. Voilà. Les féministes ne m'aiment pas. Les journalistes ne m'aiment pas. Les hispaniques ne m'aiment pas. Bulle derrière, mais les gens m'aiment. C'est pas ça les gens. Donc on utilise ce terme fourre-tout pour justement flatter. C'est quoi ça les gens, hein? Vous savez ce que c'est que les gens? Les gens. Hein? Cette fameuse soi-disant comment dirais-je, majorité silencieuse qu'on entend parfois très fort. Donc on utilise contre. C'est la haine aussi de l'intellectuel. Hein? Voilà, comme ben, vous l'avez ressenti chez quelqu'un ou quoi, voilà. Je n'accable pas, voilà, qui suis-je pour accabler, voilà que je parle un peu comme un pape, c'est proposant de l'homosexualité. Qui suis-je pour être, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des laissés pour compte dans la société, notamment ce qu'on appelle les petits blancs dans la délocalisation ou quoi. Et alors, il y a comme une rancœur, un ressentiment. Moi, je crois que le ressentiment, comme la haine, sont des matières explosives dans l'histoire. Il y a comme une... Je crois qu'il y a eu comme une sorte de volonté de rejet, mais le plus scandaleux. C'est quand même pas un milliardaire comme Trump qui va représenter nécessairement les... Merci beaucoup. Je pense qu'on va faire un petit break de 5 minutes pour et puis on peut